Salut Antoine. Donc on est aujourd'hui dans ton atelier de torréfaction qui s'appelle Kawa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors Kawa, c'est un atelier de torréfaction dans le 18e à Paris, concentré vraiment autour de la torréfaction de café de spécialité et d'entrée de gamme pour aujourd'hui les entreprises et à partir de début 2018 aussi les restaurations, la restauration. Ok, comment est-ce que tu fais la différence? Alors en fait c'est sur un test, donc quand on reçoit des cafés, quand on goûte nos échantillons, on passe toujours par une étape qui s'appelle le cupping, où ouais. En fait on va du coup aligner, on va cupper à la brésilienne, donc c'est dans des tasses à fond assez foncé, où on va mettre 8 grammes de café, 125 ml d'eau, et on va goûter à la cuillère pour en fait vérifier qu'il n'y ait pas de défaut sur le café. Et en fait, tu as une espèce de grille qui contient à peu près 20 critères. Ouais. Et en fait, à la fin, tu as un calcul de score automatique. Et si tu passes un certain score, tu rentres dans la catégorie specialty. Ou sinon, non. Et si tu passes en dessous de 80 chez nous, le café ne peut pas rentrer chez nous. Voilà. Okay, donc, en gros, c'est sur ce contrôle qualité, en fait. Ouais. Voilà, entre 80 et 85, on est sur des cafés qu'on considère très bien, mais qui pour nous n'ont pas le grade de specialty, même si on pourrait le donner à partir de 80. Et au-delà de 85, on est dans du specialty. Et voilà, entre 85 et... Il n'y a pas de limite, mais on va dire que normalement, tu ne vas jamais au-delà de 92, ça n'existe pas concrètement. Ce serait quoi au-dessus de 92 c'est même pas possible, en fait. Ce serait le café parfait qui met, tu mets 20 partout. Je ne l'ai pas encore goûté, sinon. Mais Donc là, vous êtes vraiment spécialisé sur le café de spécialité. Il y a une grosse partie chez nous. Après, comme je disais, on a une grande partie de notre business aujourd'hui qui est sur les entreprises. Et en fait, les cafés de spécialité, ils sont tous incroyables. Mais il y a quand même des profils aromatiques qui sont, à notre avis, pas possible de boire matin, midi et soir au bureau. Du coup, il faut revenir sur des choses un peu plus rondes, un peu plus simples, un peu plus faciles d'accès quand on n'est pas initié au café. Et du coup, c'est sur des cafés où voilà, on va aller chercher des profils aromatiques de chocolat, noisette, etc. Mais qui ne vont pas du coup forcément rentrer dans le specialty. Parce qu'ils n'ont pas, des arômes hyper prononcés, mais c'est quelque chose, c'est des cafés très bons, mais qui n'ont pas le grade de specialty. Ouais, parce que les entreprises ne cherchent pas forcément à boire. Exactement, on en a fait pas mal chez des clients, on essaie et en fait ça passe pas quoi. Enfin, surtout après, selon les process de traitement des cafés, si tu leur mets des naturels, les gens, le café naturel, ils disent quoi? Ils disent que c'est trop amer Non, ils disent que c'est trop compliqué quoi. Qu'ils veulent un café et ils veulent pas en prendre plein les yeux tout le temps quoi. Donc il faut aussi, faut savoir s'adresser à son client et pas des choses trop compliquées, donc il faut aussi être capable de leur offrir un truc consensuel qui plaise à tous les employés un peu tous les jours. D'où la nécessité aujourd'hui de passer par la partie B2B, donc restauration. Exactement, la partie restauration, elle est beaucoup plus axée sur du specialty. Après, il y a des entreprises qui le prennent, mais ces entreprises qui sont prêtes à former les employés à la dégustation du café, qui, à la limite, ont une machine spéciale avec du specialty et une autre pour, le côté plus basique. Donc, c'est quelques entreprises. Et aujourd'hui, vous en êtes où côté partie B2B? Est-ce que vous avez déjà démarché quelques coffee shops? On a quelques restaurants dans le 17e qui travaillent avec nous. Après, c'est tout nouveau. On a commencé rapidement à aller voir s'il y avait une appétence du marché. Pour nous, elle était là. Donc, en fait, on a un peu structuré notre offre. Et maintenant, on a des gens qui travaillent uniquement sur la promotion de cette offre. D'accord. T'as fait comment pour savoir qu'il y avait une appétence? Bon, c'est du terrain. Donc, c'est d'aller voir, parler avec hôteliers, sommeliers, patrons de restaurants, essayer de voir chez qui ils se fournissaient. Est-ce qu'il y avait une propension au changement? Est-ce que c'était des gens qui étaient OK pour essayer autre chose? Et finalement, assez souvent, les gens sont largement prêts à vouloir passer sur autre chose ou au moins à tester. Ouais. Et c'est là où nous, en général, on est assez confiants sur notre produit. C'est qu'à partir du moment où on fait un test, c'est plutôt concluant en général. Ouais. Donc, et en général, ils te disent quoi? Ils te disent finalement, mon torréfacteur, il me plaît pas trop. Ça dépend déjà dans quelle démarche ils sont. Ça dépend qui est leur fournisseur. Est-ce qu'on est sur des torréfactions artisanales? Déjà, dans ces cas-là, c'est bien, parce que ça montre que ça met notre métier en avant. Quand c'est sur des grains Illy, Lavazza ou ce genre de grains de grande consommation, là tout de suite il y a un côté, ils goûtent et ils sentent tout de suite la différence et ils se disent que finalement l'écart de prix aussi qui est pas très important et largement justifié. Et, pourquoi pas passer et par voilà, un narcissisme. Et puis, exactement. Ok, et en termes de prix, comment est-ce que tu te positionnes? Alors ça va vraiment dépendre de l'offre. Si les personnes sont déjà équipées, s'ils veulent une machine en location, s'ils l'achètent, en gros... Pour l'entreprise, on a une offre clé en main. Donc, c'est vraiment, il y a une machine qui est en location ou en mise à disposition, plus une fourniture de café. Donc, on va en gros tourner autour de 22-24 centimes la tasse, tout compris, en entreprise. Okay, donc, c'est quand même bien moins cher que des capsules. Ouais, carrément. Et tu mets à disposition une machine. Alors, on a vraiment les deux fonctionnements. Si les personnes veulent payer un prix fixe à la consommation, on sait faire. En fait, on va calculer en 1 kg de café, ça fait 120 cafés. Donc, à partir de là, c'est je viens, je te mets les machines et je te fais payer le kilo de café, t'es facturé tant. Okay. Si jamais c'est plus dans une démarche de non, je veux avoir finalement plusieurs machines parce que j'ai des besoins très spécifiques, etc., on rentre sur des systèmes de location de machines. Enfin, que ce soit la mise à disposition, la location, c'est nos équipes techniques qui viennent faire l'entretien tous c'est les mois, nettoyer, etc., pour. Bah finalement que le café soit bon tout le temps, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui passe vérifier que le moulin soit pas déréglé, que le café soit bon, faire un détartrage, faire tout ça. Donc on passe tout le temps et s'assurer que tout est bon. Et donc du coup, soit la mise à disposition avec un prix fixe, soit une location où il y a la partie machine et après ils choisissent leur grain chez nous. Ils peuvent jouer dans différentes gammes. Alors que la mise à disposition, on va rester sur les cafés d'entrée de gamme. Parce qu'on ne peut pas dire on va finalement livrer 1 kg de ça, alors que si c'est sur un système de location, après ils sont libres de choisir les cafés dans tout notre catalogue et du coup d'avoir des différences de prix. Déjà. Tu fonctionneras pareil avec les coffee shops et restos? Alors ça va dépendre, c'est toujours aussi encore un milieu spécifique. Ça dépend s'ils travaillent sur de la machine automatique. Dans ces cas-là, oui, on peut fonctionner comme ça, mais s'ils fonctionnent sur des percolateurs, nous aujourd'hui on n'a pas l'assise financière pour mettre à disposition des percolateurs. J'aimerais bien, mais c'est malheureusement pas le cas. Et du coup, dans ces cas-là, c'est plus de la fourniture de café. Après, formation, évidemment, pour leur expliquer comment tout Il y a un suivi faire. Derrière. Toujours. Nous, c'est hyper important. Avec chaque café, pour la restauration, il y a les recettes, pour les expressos simples, les expressos doubles, les temps d'extraction visés. Et tout ça, en fait, est hyper bien expliqué par nos commerciaux sur le terrain qui prennent souvent le temps pour expliquer un expresso. Un bon expresso, ça se prépare comme ça. Et finalement, régler un moulin tous les matins, c'est normal. C'est faire couler 3 cafés pour ajuster parfaitement. Et ça te permet. C'est pas compliqué, mais il faut juste le savoir. Il faut le savoir. Quand tu ne fais pas de formation barista, bon, aujourd'hui, il y en a plusieurs des formations barista. Donc, normalement, la personne qui ouvre son coffee shop devrait plus ou moins savoir, mais c'est vrai qu'après, quand tu es dans le jus. Exactement, c'est souvent des affaires qui sont lancées, Mais c'est bien que ton réfecteur derrière fasse le suivi. Ouais, mais ça fait partie du métier, de toute façon. C'est mettre en valeur aussi notre produit indirectement, donc nous, c'est comme ça qu'on veut travailler. Ouais. Et comment est-ce que tu te fais connaître aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur l'entreprise, on commence à avoir enfin un bon réseau de bouche à oreille parce que on fait de la qualité, on est chez des clients qui sont hyper connus et qui du coup en fait font parler de nous. On est confiant aussi sur la qualité de notre produit, donc ça aide vachement. Et après, sinon, on a quand même une petite équipe de prospection qui du coup. Sur les entreprises, c'est pas mal d'emailing, de phoning, alors que sur la restauration, c'est vraiment du porte-à-porte. Il n'y a pas le choix. Les restaurateurs, ils sont toujours dans le jus, en cuisine, au marché, toujours à courir. Donc, il faut aller les rencontrer directement. Sinon, de toute façon, ça ne peut pas. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me dire juste quelques mots sur Loring? Ouais. Alors, nous, on a fait le choix de torréfier sur un torréfacteur de la marque Loring, qui est une marque américaine et qui, en fait, a remis un peu à plat le système de torréfaction artisanale en utilisant une torréfaction à air chaud et pas une torréfaction avec une flamme directe. Ça nous permet en fait d'avoir une constance absolument dingue, donc d'être toujours hyper satisfait de la qualité de notre café et en plus en fait de enlever le petit goût fumé qu'il peut y avoir, qui pour nous est un défaut sur les cafés, où en fait la flamme vient lécher le café, elle carbonise légèrement l'extérieur du grain et amène ce goût de fumée, alors que du coup nous on l'enlève et du coup on est sur des cafés beaucoup plus clairs qui sont assez fins là-dessus. Et c'est une machine incroyable qui est hyper différente à manipuler, mais qui du coup de par sa conception est assez dingue. Surtout, vous êtes pratiquement les seuls En France, il n'y en a pas beaucoup. Ça demande pas mal de logistique, on va dire, parce qu'il faut la faire venir du port de San Francisco. Donc, il y a ça, il y a l'installation. Ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué à installer. Vous l'avez installé quand, là ? Alors, la machine, elle est arrivée ici début septembre. Okay. Voilà, ça a pris 10 jours à installer. Avant, on torréfiait, du coup, dans un atelier collaboratif. Et puis il a été temps d'internaliser tout ça parce que ça nous prenait trop de temps. Ouais. Et puis voilà, on a enfin pu avoir ce lieu. Cet atelier. Et c'était l'idée de base, quoi, d'avoir un atelier où on puisse torréfier, montrer notre métier, tout expliquer, tout contrôler de A à Z. Puis démontrer la valeur ajoutée de votre produit. Quoi. Exactement. Mm. Ok, écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Si jamais tu as quelques mots supplémentaires à dire sur Kawa. C'est surtout qu'il ne faut pas hésiter. Nous, on vient, que ce soit pour une entreprise ou un restaurant, on vient toujours faire goûter nos cafés avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Le prix, parce qu'on internalise tout, en fait, on est hyper compétitif. Notre vision avec Alexis, mon associé, ça a vraiment été démocratiser l'accès au café de spécialité ou en tout cas de qualité. Et du coup, on ne cherche pas à faire des marges déraisonnables. On est dans une démarche qualitative. On fait bien notre boulot, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pratiquer des prix dingues. Non. Alors, c'est en grande partie une de nos forces. C'est que comme on fait attention au coût, on a tout en interne, ben on peut vraiment offrir des prix intéressants. Des prix canons, exactement. Merci beaucoup. De rien. Bonne conciliation. Merci.